Alain Marchal, Alain Soral. Alain Soral, Misère du désir, fiction aux éditions Blanche. On parlera de son livre tout à l'heure, mais depuis le début de l'émission, enfin depuis la deuxième moitié de l'émission à 17h, avec Alain Soral, on évoque les sujets qui ont animé notre semaine, c'est-à-dire les livres people, les livres déballage, le mariage homo. Tous ces sujets-là, bizarrement, sont dans mon bouquin, d'ailleurs. Bah, tu vois, c'est dans l'air. Eh ben, on va continuer d'en parler. Et puis, la venue de Christophe Oberlin, c'était hier, avec cette liste Euro-Palestine. Cette liste a-t-elle sa place aujourd'hui dans le scrutin européen? C'est la question que l'on posait à Christophe Oberlin. Christophe Oberlin dit oui, parce qu'on doit œuvrer pour la paix. Les Européens ont un rôle à jouer, le Parlement européen Israël a un rôle rentrer, à jouer. Israël prétend rentrer dans l'Europe, je crois. Donc si Israël veut rentrer dans l'Europe, le problème palestinien devient un problème européen. Mais beaucoup d'entre vous au 32-16 disaient non, ça n'a pas sa place aujourd'hui, ça risque au contraire de relancer l'affrontement communautaire. On sait déjà que le conflit israélo-palestinien exacerbe les tensions en France. Christophe Oberlin interpellait directement Patrick Gobert, le président de la LICRA, en lui demandant d'être avec lui pour un débat. Patrick Gobert, bonjour. Bonjour Patrick Gobert. Est-ce qu'il est là, Patrick Gobert? Il est là. Bonjour. Je rappelle, vous êtes le président de la LICRA. Vous êtes surtout la tête de liste UMP pour l'Île-de-France, pour les prochaines élections. Est-ce que vous accepteriez un débat avec Christophe Oberlin? Non, j'accepte pas ce genre de débat parce que ce que je souhaite, c'est la paix, la sérénité et la solidarité. C'est ce qu'il souhaite lui aussi. Oui. Comme en Israël, quoi. Attendez, on va pas mélanger. Je suis avec Alain Soral, hein, je vous le rappelle. C'est Alain Soral qui intervient à côté. Oui, non. Dieu donné un message d'intolérance, de racisme et d'antisémitisme. À partir de ce moment-là, je veux dire, je n'ai rien à discuter avec lui. Nous allons effectivement nous revoir, mais nous allons nous voir très prochainement au tribunal. Pourquoi ? Parce que ces propos dans le journal du dimanche ou dans certains sites sont inacceptables concernant les juifs et Israël, mais surtout les juifs. C'est des propos ignobles. Mais alors pourquoi vous en prenez à Dieudonné? D'accord, mais pourquoi ne pas discuter avec Oberlin de l'opportunité de cette liste Euro-Palestine pour faire avancer la paix? Liste d'ailleurs, Alain Soral me disait avant l'émission, à laquelle vous avez bien voulu être dessus, mais je ne suis pas domicilié à Paris, je crois que c'est pour ça que je ne suis pas dessus. Sinon, ça aurait été un plaisir, évidemment. Je trouve tellement inique ce qui arrive à ces pauvres Palestiniens et tellement étrange qu'en France, on ait si peu le droit d'en parler et qu'on se fasse tout de suite traiter de nazi parce qu'on est inquiet de voir que dans certains pays là-bas, toutes les valeurs humanistes et universalistes sont bafouées jour après jour, que effectivement j'aurais bien aimé être sur cette liste, et d'ailleurs comme les européennes ne servent à rien, au moins je voterai pour cette liste, pour une fois les européennes auront servi à quelque chose. Il n'y aura pas de liste chez vous, de votre côté. Patrick Gobert, réponse. Écoutez, il pense ce qu'il veut. Il mélange, je veux dire que moi je reste sur un Dieudonné qui a des propos inacceptables. Lesquels? Est-ce que vous pouvez dire lesquels, monsieur? Oui, je suis allé voir son dernier spectacle qui est formidable et moi j'ai rien trouvé d'inacceptable. Tout est conforme aux valeurs humanistes, universalistes. Vous avez une version des droits de l'homme qui est différente que la mienne. Bah oui, c'est pas celle que vous et je pense avoir une version qui est très. C'est pas celle du général Sharon, ça c'est sûr. Oui, moi j'ai pas du tout cette. Mais on parle pas de Sharon là. On est en train de parler de valeurs et de respect. Moi je vous parle pas de ce qui se passe là-bas. Je vous parle des propos qui sont dits ici. Sur les juifs. Mais personne ne dit jamais rien sur les juifs en France, qui sont une communauté qui vit en harmonie, et qui d'ailleurs, c'est des Français d'origine juive, ils sont très, très heureux en France, on dit d'ailleurs heureux comme Dieu en France. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a une minorité de Français d'origine juive qui, par leur solidarité inconditionnelle de la politique d'apartheid du général Sharon, créent de toutes pièces de l'antisémitisme en France. On dirait même que c'est leur projet, un, pour que des juifs français émigrent en Israël, parce qu'il n'y a plus beaucoup de volontaires là-bas, visiblement. Et deux, ils ont tellement peur que ça se passe bien entre les Français et les juifs et qu'il y ait ce qu'on appelle de l'assimilation ou du mélange, de la mixité et d'un mariage mixte, qui crée de la tension, parce que je crois qu'il y a vraiment des juifs fondamentalistes ou des juifs extrémistes qui ont très peur que les juifs et les non-juifs se mélangent et s'aiment, et qui sont très inquiets de voir que si peu de juifs qui vivent si bien en France n'aient pas envie d'aller vivre dans ce cauchemar qui s'appelle Israël. Voilà, moi c'est mon analyse. L'analyse est la seule, Patrick Gobert. Il s'arrête de temps en temps. Oui, il s'arrête, il vient de s'arrêter. On n'a pas souvent la parole sur ce sujet, monsieur. Il s'arrête de temps en temps. Écoutez, c'est n'importe quoi. Non. C'est n'importe quoi. Vous faites le mélange de tout et c'est à cause de gens comme vous qu'il y a effectivement aujourd'hui des attentats contre les juifs parce que vous faites un mélange. Faites attention monsieur là-dessus, n'allez pas trop vite parce que... Il y a là-bas et la situation qui était ici. Parlons donc de sujets qui peuvent ici nous intéresser. Ne faites pas le mélange et la plupart des manifestations... C'est vous qui le faites monsieur, vous associez tout le monde. on a droit de faire toutes les manifestations que l'on veut. Elles se sont terminées en général par des propos antisémites. Mais dites-moi, Patrick Gobert, à votre avis, cette liste Euro-Palestine, et on ne peut pas remettre en cause la bonne foi de Christophe Oberlin, chirurgien qui est allé opérer à Gaza, qui nous racontait ce qu'il avait fait là-bas, est-ce qu'à votre avis, cette liste va renforcer le communautarisme et risque de provoquer des dérapages ou pas? Oui, ça va certainement ramener derrière, en conséquence, des actes d'antisémitisme, ça c'est sûr. Est-ce que ça risque pas aussi de provoquer des actes de la part de personnes qui sont radicales du côté juif aussi, à votre avis? Vous en avez vu beaucoup? Moi, j'en ai pas vu. Non, mais c'est même pas le fond du problème. Je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'on n'ait pas le... Moi, j'en ai pas vu une fois un acte contre des mosquées où ce sont des juifs qui l'ont fait. Je n'ai pas vu une seule fois des juifs aller frapper qui que ce soit. Ah bon? La Ligue de Défense Juive et le Bétard, vous en avez jamais entendu parler, monsieur, de leurs exactions? Non, mais vous prenez les spectateurs pour des imbéciles. Moi, je crois, monsieur, vous arrêtez de parler. Non, vous avez tout le temps la parole sur ce sujet, monsieur. Moi, je représente que moi-même. Ouais. Je veux dire simplement qu'aujourd'hui, le fait. C'est une opinion. Oui, bien sûr. Je commence rien. Juste France. 99% des Français, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Une conception archaïque et à la limite raciste. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, le fait qu'on ait si peu le droit dans les médias de critiquer la politique du général Sharon. Mais vous avez le droit. Attendez, tout le monde. Crée une tension et une suspicion. Enfin, et une suspicion par rapport à une espèce de solidarité inconditionnelle des Français d'origine juive envers cette politique d'apartheid. Je pense que c'est vous qui êtes dangereux, monsieur, parce que ce que vous dites pas, c'est que sur la liste Euro-Palestine, j'ai regardé tout à l'heure, je crois qu'il y a 40% de gens qui sont juifs et qui y sont justement au nom de valeurs qu'ils estiment de valeurs du judaïsme des prophètes, je sais pas, ils se sentent juifs et très bien à leur place sur cette liste. Et c'est vous qui accaparez une vision assez étrange du judaïsme et qui je pense est dangereuse pour les Français d'origine juive qui vivent très bien en France. Allez, la réponse de notamment Patrick Gobert, et ensuite on arrête Patrick Gobert. Oui, je crois qu'il faut rester un peu plus calme. Je crois qu'il faut avoir le respect et la dignité vis-à-vis de tout ce qui se passe là-bas. Il faudrait qu'effectivement la paix revienne, qu'il y ait deux États. Je veux dire, c'est normal. Bon, mais tout ce que dit ce monsieur est exagéré et est un peu inacceptable. Attaquez-moi en justice, monsieur, si c'est inacceptable. Voilà. Quand je dis, c'est votre spécialité, je crois. Il faut reprendre un petit peu de sérénité et de paix. Voilà ce que cette liste, effectivement, va amener, et va amener de l'intolérance. C'est ce que moi, j'ai entendu. Patrick Gobert, merci, président de la LICRA, pour parler de cette liste Euro-Palestine, échange de propos avec Alain Soral. On va reparler de la misère du désir. Il faut dépassionner le débat, oui. Ah, mais c'est difficile, sur le conflit israélo-palestinien. Mais non, on n'a pas le droit d'en parler, alors. On s'est traité de nazi dès qu'on est... On peut en parler. Moi, je suis désolé, je suis prêt à tout pour devenir un écrivain riche et célèbre en France. J'aime la réussite, mais je ne suis pas prêt à dire que je jouis quand je vois un enfant palestinien tué par un soldat. Je pense pas qu'il y ait des gens qui le disent inversement aujourd'hui. Michel Houellebecq le dit, Dantec le dit, et j'apprécie que quand on ne disait pas ça, d'un seul coup, on était un petit peu marginalisé dans la culture française et dans les médias. Et ça, je sais de quoi je parle. Et ben, moi, il se trouve que, au nom de valeurs humanistes et universalistes, je trouve que ce qui se passe là-bas est intolérable. Et je pense qu'il faut se mobiliser contre. Et je sais que, bizarrement, ça coûte très cher en France, dans le milieu médiatico-culturel, d'oser tenir les propos que je tiens, qui sont pourtant des propos absolument de gauche. Voilà. Alain Soral, 17h42, dans un instant, la misère du désir.